Les cours du Collège de France, l'origine de Jean Romeau et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir à tous, et je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques mois un petit peu inhabituels. Donc, le cours de cette année s'intitule « Avant les hommes ». Et bon, pour ceux qui ont suivi mes cours depuis 2014, vous souvenez certainement que mes premiers cours ont été consacrés à l'évolution du genre homo. Et ces trois années qui ont été consacrées à l'évolution du genre homo sont prolongées par d'autres années qui vont peut-être se prolonger par d'autres années. Et donc, il m'a semblé important peut-être de faire un retour en arrière dans le temps pour traiter ce qu'il y avait avant le genre homo. Parce que, dans le fond, c'est quelque chose qui manque ou qui pourrait manquer dans des cours futurs pour discuter d'un certain nombre d'adaptations humaines. Et vous savez que c'est la direction que j'ai choisie pour ces cours au Collège de France, de traiter des grandes adaptations. Donc, nous retournons aux origines. Pendant cette série de conférences, s'intéresser à des genres, des espèces qui ont précédé l'homme. Et avant de me lancer dans l'exploration de tous ces groupes d'hominines anciens, il m'a paru important de faire un rappel historique, parce que je pense que tout le monde a en tête l'idée que les origines de l'homme et l'origine des hominines, c'est en Afrique que ça se passe, mais peut-être que vous n'êtes pas familier avec, dans le fond, l'historique de ces découvertes. Et dans le fond, ce que je voudrais aujourd'hui vous montrer, c'est que si tout le monde connaît Lucie, les Australopithèques, a entendu parler des découvertes en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, bien dans le fond, pendant très longtemps, la préhistoire, la paléontologie humaine, eh bien dans le fond, a ignoré l'Afrique. Et l'Afrique est rentrée tardivement, sinon dans l'histoire, pour reprendre une formule un peu malheureuse de l'un de nos présidents, mais en tout cas dans la préhistoire connue des Européens et des Nord-Américains, certainement. Et pour cette historique, donc, je vais me concentrer évidemment sur l'historique des découvertes de ces formes anciennes. Délibérément, je vais ignorer tout ce qui est à gauche de cet arbre phylogénétique. Et je vais uniquement m'intéresser aux découvertes des premiers hominines et puis de toutes ces formes que vous voyez présentées ici en bleu et en vert et qui sont, disons, ce qu'on appelle au sens très large les Australopithèques. Mais gardez quand même en tête que cette exploration de la paléanthropologie africaine ne s'est pas seulement dirigé vers ces hominines anciens. Il y a de nombreuses découvertes qui ont été faites parallèlement à ces recherches sur les hominines anciens, sur des formes plus récentes, en particulier l'origine d'Homo sapiens et d'autres formes du Pléistocène moyen. Donc je les ignore délibérément, c'est pas un oubli. Je ne veux pas vous accabler aujourd'hui avec une trop longue liste de noms, de découvertes, de sites, de personnages. D'ailleurs, soit en passant, parlant des personnages, je voudrais par avance m'excuser auprès de mes collègues dont la photo ne figure pas dans ma conférence d'aujourd'hui, parce que évidemment, j'ai été obligé de faire un tri, un choix. Je ne peux pas montrer la photo de tous les gens qui ont travaillé en Afrique depuis un siècle. Ça fait beaucoup de monde quand même. Donc, j'ai sélectionné, si je peux dire, des découvertes, des projets de recherche qui ont, euh, qui ont été marquants pour une raison ou pour une autre dans l'histoire de la paléanthropologie, soit à cause de ce que ces découvertes ont révélé en termes de nouvelles espèces. Et vous voyez qu'il y a un nombre de taxons assez incroyable hein, qui ont été découverts en Afrique. Tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle rouge, et d'ailleurs une bonne partie de ce qui est aussi figuré en brun à côté, ce sont des espèces qui sont uniquement africaines. Et donc, il y a eu, depuis, vous allez le voir, le premier quart du XXe siècle, un nombre de découvertes très, très, très, très importantes. Puis il y a aussi des découvertes qui ont pesé parce qu'elles ont donné, si je peux dire, une impulsion à la recherche dans certaines régions d'Afrique. Il y a une espèce de cheminement des découvertes. En même temps, vous verrez que ce cheminement, c'est un cheminement assez incomplet dans le fond. Et l'Afrique, c'est un continent qui est immense, mais finalement, vous verrez que seulement certaines régions ont été étudiées, exploitées par les paléanthropologues. Je serais même tenté de dire surexploitées. Il y a une concurrence très très vive qui s'est exercée dans certains coins d'Afrique. Donc l'Afrique, c'est très très grand. Quand vous regardez l'Afrique sur un planisphère, souvenez-vous que c'est une Afrique qui est déformée par la projection de Mercator. En fait, il faudrait regarder les continents sur un globe terrestre pour se faire une idée de leur taille. Et la projection de Mercator, évidemment, dilate tout ce qui se trouve dans les hautes latitudes et a tendance à contracter tout ce qui se trouve près de l'équateur. Mais quand on compare la taille de l'Afrique à celle d'autres zones continentales, on se rend compte que c'est réellement un continent gigantesque. Ce petit montage vous montre qu'on peut faire tenir dans l'Afrique eh bien, une bonne partie de l'Amérique du Nord. Hein. En tout cas, les États-Unis d'Amérique, ça représente à peu près la taille du Sahara, un peu moins même que la taille du Sahara. On peut faire rentrer dans l'Afrique en plus toute l'Europe occidentale, y compris les îles britanniques, l'Europe de l'Est, l'Inde, la Chine et le Japon, sans trop forcer sur les surfaces. Donc vous voyez qu'on parle d'un continent qui est énorme. Et même si on a trouvé quand même beaucoup de fossiles, eh bien, dans le fond, la densité de découvertes n'est pas si considérable que ça si on prend en compte cette taille du continent africain. Il y a de très grandes régions d'Afrique dans lesquelles non seulement on n'a pas trouvé de d'hominines très anciens, mais on n'a pas non plus trouvé d'hominines très récents. Hein, et ça s'explique pour des raisons qui tiennent à la fois à la conservation des vestiges, à la chance qu'ils ont de parvenir jusqu'à nous, compte tenu soit du contact géologique qui est plus ou moins favorable à la formation de gisements paléontologiques et archéologiques, soit aux conditions actuelles de climat, de végétation. C'est assez facile de comprendre qu'il est quand même compliqué d'aller chercher des fossiles dans une forêt équatoriale. On n'a pas beaucoup de chance d'en trouver par hasard, si je peux dire. Dans des zones désertiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Et puis, s'ajoutent à cela, évidemment, des considérations qui sont des considérations historiques, culturelles, linguistiques. Il y a des pays d'Afrique où les recherches sont développées de façon précoce et d'autres régions d'Afrique où ces recherches attendent encore d'être développées. Et je ne parle même pas des limitations qu'imposent les risques et les problèmes de sécurité qui peuvent se présenter dans certaines régions comme le Sahel en ce moment. L'idée que les hominines ont une origine africaine C'est une idée qui est assez ancienne. Et je vous ai ici retrouvé une citation qui est très connue de Charles Darwin. Vous savez que Charles Darwin, après avoir écrit sur l'origine des espèces et expliqué l'évolution par voie de sélection naturelle, s'est longtemps gardé d'écrire sur l'évolution humaine elle-même. Et c'est seulement en 1871, donc très longtemps après avoir écrit son ouvrage sur l'origine des espèces, qu'il a, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « The Descent of Man », et où il parle aussi de l'évolution par voie de sélection sexuelle. Et cet ouvrage s'ajoute à un autre ouvrage de Thomas Huxley, qui était un de ses disciples et fervents supporters. Et Darwin, comme Huxley, dans le fond, en était venu à la conclusion que l'origine lointaine des hommes devait se trouver en Afrique. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le fond, les formes vivantes les plus proches de l'homme dans la nature actuelle, c'était le chimpanzé et le gorille, du point de vue de Darwin en tout cas, et que donc il était, il dit, plus que probable que nos ancêtres les plus anciens ont vécu sur le continent africain plutôt qu'ailleurs. C'était vraiment une prédiction assez visionnaire, je dirais, parce que depuis, il y a de nombreux travaux qui ont effectivement montré, je pense en particulier à des travaux de biologie moléculaire, de génétique, qu'effectivement, il y a une parenté proche, très grande entre le chimpanzé et l'homme, et puis même le gorille. Donc les hominines sont très proches de ces grands singes africains. À l'époque, donc en 1871, on n'avait évidemment aucune trace de fossiles très anciens d'hommes ou d'hominines en Afrique. Cette idée que les origines lointaines de l'homme se trouvent en Afrique, défendue par Huxley, défendue par Darwin, dans le fond, elle n'était pas partagée par tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je vous rappelle qu'on a parlé l'année dernière des recherches qui avaient été entreprises par Eugène Dubois en Indonésie et la découverte des premiers Homo erectus. Et Eugène Dubois, il s'appuyait sur les prédictions d'un chercheur, un biologiste allemand très connu à l'époque, qui s'appelait Ernst Haeckel. Et Ernst Haeckel, lui, plaçait plutôt l'origine des hominines quelque part dans le sud de l'Asie, d'ailleurs dans une région qui était une sorte de continent englouti qu'il appelait la Lémuria. Et donc, il avait imaginé un homme-singe qui vivait dans ces régions-là et qui était à l'origine des hominines. Et pourquoi ? Eh bien, un peu en suivant le même genre de raisonnement que Darwin, mais lui en mettant en avant une proximité plus grande entre les orangs-outans et les hommes plutôt que entre les hommes et chimpanzés et gorilles. Proximité de l'orang-outan et de l'homme qui ont été falsifiés, comme on dit en anglais, qui ont été dont on a montré qu'elles n'étaient pas valides, en particulier au cours du XXe siècle avec des recherches en biologie moléculaire. Toujours est-il que jusque au début du XXe siècle, et même pour une bonne partie du XXe siècle, l'idée que les hommes avaient plutôt une origine asiatique tenait le haut du pavé. On voyait beaucoup de biologistes, de paléoanthropologues, d'archéologues, voyaient bien l'Asie comme la mère de toutes les humanités. Alors, il faut dire aussi que le nombre de fossiles qui était disponible et sur lequel on pouvait se fonder pour construire des arbres phylogénétiques était quand même des plus réduits, disons, jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça a été le moment où on a découvert beaucoup de fossiles en Europe, en particulier d'hommes de Néandertal, donc juste avant la Première Guerre mondiale, juste après et même pendant la Première Guerre mondiale. Mais si on se replace, si on revient, disons, au sortir de la guerre de 14, eh bien dans le fond, qu'est-ce qu'on connaît comme homme fossile à l'époque ? Ben, c'est pas compliqué. On connaît ce fameux pithécanthrope découvert par Dubois dans l'île de Java. Mais je vous rappelle que beaucoup de gens ne croient pas que le pithécanthrope est un ancêtre de l'homme. Hein. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans le fond, on ne croit pas surtout à l'association entre cette calotte crânienne tout à fait bizarre, avec un petit cerveau à l'intérieur, une forme très aplatie, très allongée, un bourrelet susorbitaire très développé, et puis un fémur qui ressemble énormément à un fémur d'homme actuel. Et l'idée de beaucoup de paléoanthropologues du début du XXe siècle, des gens, j'allais dire, connus, dont la voix porte, eh bien, c'est que, dans le fond, ces pièces que Dubois a recueillies à Java, c'est un mélange entre les restes d'un homme, le fémur, et puis quelque chose qui ressemble plutôt à un grand singe, on parle d'un gibbon géant, quelque chose comme ça, pour la calotte crânienne. Donc il y a ce fossile qui est connu en Asie, qui, pour certains, n'est pas un ancêtre de l'homme. Alors il y a quand même des soutiens à Dubois. Hein. En France, par exemple, il y a un anthropologue qui s'appelle Manouvrier, qui a été un supporter de Dubois, qui a défendu les idées de Dubois. Mais, encore une fois, en dehors d'Europe, eh bien, c'est tout ce qu'on a. Alors, en Europe, évidemment, on a ces hommes de Néandertal qui ont été découverts pour la première fois en 1856, enfin, en tout cas, le premier spécimen qui a été vraiment reconnu comme un homme fossile, par certains, pas par tout le monde, qui a été reconnu comme un homme fossile, qui a été publié, discuté, eh bien, ce sont les restes découverts à Feldhofer, près de Düsseldorf, dans cette petite vallée de Néandertal. Et depuis, on en a trouvé d'autres. On a trouvé d'autres en Belgique en particulier. Donc, dans les années 1880, on a commencé, à accepter l'idée que l'homme de Néandertal, c'est une forme humaine différente de l'homme actuel et une forme éteinte, qui a connu des faunes qui n'existent plus aujourd'hui. Et je vous l'ai dit à l'instant, on a continué à en trouver beaucoup autour de la guerre de 14. Et puis, autre homme, entre guillemets, fossile que l'on connaît au début du XXe siècle, eh bien, le fameux homme de Cro-Magnon. Donc cet homme de Cro-Magnon, c'est quoi ? Eh bien, c'est un homo sapiens moderne, très, très proche de nous, qui est associé en Europe à du paléolithique supérieur. On l'a trouvé pour la première fois associé à ces restes, ces vestiges archéologiques, dans un gisement qui s'appelle Cro-Magnon, qui est près des Aisies, en Dordogne. Donc c'est un abri... Oups. C'est un abri... Excusez-moi. C'est un abri qui a été détruit par la construction d'un chemin et on a trouvé plusieurs individus. Alors, comme presque à chaque fois lors de ces découvertes, il y a eu des contestations, des gens qui ne croyaient pas que c'était quelque chose de très ancien. Et il a fallu attendre, un petit peu comme pour l'homme de Néandertal, hein, il a fallu attendre d'autres découvertes, en particulier cette découverte à Laugerie Basse, toujours près des Aisies, d'un autre squelette dans le même genre de contexte, pour que finalement cet homme de Cro-Magnon soit accepté. Donc finalement, disons autour de la guerre de 14, on a les hommes de Néandertal, les hommes de Cro-Magnon, et puis alors pour certains le pithécanthrope de Java, enfin l'Homo erectus de Java. Alors pour l'Afrique, il va falloir attendre tente quand même encore assez longtemps. Le premier fossile qu'on trouve en Afrique, qui est vraiment quelque chose de spectaculaire et qui est clairement un homme qui n'est pas un homme, un homo sapiens, c'est un crâne, d'ailleurs pas seulement un crâne, des restes postcrâniens, un maxillaire, enfin plusieurs vestiges, qui sont découverts dans ce qui s'appelait à l'époque la Rhodésie, qui s'appelle la Zambie aujourd'hui, dans un site qui s'appelle Broken Hill, qu'on appelle Kabwe aujourd'hui. Et cette région est une région dans laquelle il y a une énorme mine de zinc qui détruit en fait une colline, qui détruit un karst. Et c'est au cours de cette la destruction de ce karst que des mineurs vont mettre la main sur ce crâne. Alors la postérité a retenu le nom de l'un d'entre eux, que vous voyez sur cette photo, qui s'appelait Tom Zwiglar, qui était un mineur suisse qui travaillait dans le sud de l'Afrique. Il était accompagné d'un autre mineur dont on n'a pas retenu le nom. Et donc ces gens-là ont évidemment tout de suite vu que c'était quelque chose de tout à fait curieux, ce crâne. Vous voyez qu'il a quand même une face extrêmement développée, des bourrelets susorbitaires très puissants. D'ailleurs, on va assez rapidement le rapprocher des hommes de Néandertal qu'on a en Europe. Et donc, ce crâne va être envoyé au British Museum par la compagnie minière. Et puis, oui, à l'époque, ça ne traînait pas, parce que le crâne a été découvert au mois de juin 1921. Et donc, déjà en 1921, on a une publication d'un anthropologue anglais, hein, Woodward, qui lui donne ce nom d'Homo rhodesiensis. Et cet Homo rhodesiensis, on en parle encore aujourd'hui, hein, certains le considèrent comme un synonyme d'Homo heidelbergensis, donc une forme du Pléistocène moyen d'Afrique. Alors, c'est le seul représentant du genre Homo plutôt récent dont je vais vous parler aujourd'hui, mais je pense qu'il a quand même une valeur historique. C'est seulement quelques années après qu'on va commencer à trouver des choses vraiment beaucoup plus anciennes. Et ça commence avec une découverte en Afrique du Sud, dans une carrière qui se trouve près de Tong. C'est dans le centre de l'Afrique du Sud. Voilà une photo de ce qui reste de cette carrière aujourd'hui. Et dans une formation calcaire, un peu rosée, des mineurs recueillent ce crâne, qui est un tout petit crâne, qui est composé d'une face, d'une mandibule qui lui est associée, et puis du remplissage. C'était probablement un crâne qui était complet, mais une partie en a été perdue lors de la découverte. Et on a un moulage endocrânien naturel, un remplissage de ce crâne solide qui donne une idée assez précise de la forme du crâne et surtout de la taille du cerveau. Et ce crâne, il va être donné à un anatomiste qui travaille en Afrique du Sud qui s'appelle Raymond Dart. Raymond Dart, c'est un Australien qui a été envoyé en Angleterre faire ses études. Il a fini par trouver une place à l'Université College London. Il travaille avec des anatomistes, des gens qui s'occupent d'anthropologie. Et à un moment donné, on va lui conseiller de trouver un poste ailleurs. Et donc, il va partir en Afrique du Sud. Alors, il part en Afrique du Sud j'allais dire, pas avec un grand enthousiasme. Évidemment, il se rend bien compte qu'en Afrique du Sud, il va être très loin des scientifiques anglais qui sont les plus connus, les plus visibles. Il aura moins d'échanges scientifiques. L'Afrique du Sud, un peu comme l'Australie, a toujours été un endroit où dans le monde anglo-saxon, on a envoyé les gens comme ça un peu à la périphérie. Enfin, j'ai connu d'autres exemples qui n'étaient pas très enthousiastes pour partir là-bas. C'est assez facile d'y partir, c'est moins facile d'en revenir parfois. Et donc, Dart, contre mauvaise fortune, fait bon cœur. Et donc, il travaille en Afrique du Sud. Et on va lui amener ce crâne que je viens de vous montrer. Et Dart est frappé par deux choses. D'abord, c'est un crâne qui ressemble beaucoup à un crâne d'une sorte de singe. Mais en même temps, il a des caractéristiques tout à fait étonnantes qu'on ne devrait pas trouver chez un singe, grand singe ou petit singe d'ailleurs. Dans ces formations calcaires de Tongue et d'autres sites sud-africains, on trouve beaucoup de crânes de babouins, de jeunes babouins. Donc c'est la comparaison, j'allais dire, qui vient à l'esprit tout de suite quand un nouveau fossile comme celui-là apparaît. Et Dart immédiatement remarque que les caractères dentaires de ce crâne sont des caractères dentaires qu'il distingue complètement de ce qu'on connaît chez les babouins, mais aussi chez les grands singes comme le chimpanzé par exemple. Et notamment, il n'y a pas ce grand développement des canines qu'on trouve chez pratiquement tous les primates de ce type-là, à l'exclusion du genre homo, bien sûr, et des hominines. On va en reparler plusieurs fois de ce caractère-là, mais il n'y a pas cet espace dans les rangées dentaires pour laisser la place à des canines qui sont des canines proéminentes. Et donc ça, c'est un caractère éminemment humain. Et donc, Dart va préparer un papier qu'il va envoyer à la revue Nature. Vous avez ici la publication de Dart à gauche. Et en 1925, donc ce papier, au mois de février, ce papier est publié. Et il donne un nom d'espèce nouvelle à ce fossile. Il l'appelle Australopithecus africanus. Alors, c'était peut-être pas une très bonne idée finalement, parce que Australopithecus, ça veut dire en grec le singe austral. Donc, il l'appelle quand même un singe, mais en même temps, il explique dans cet article que c'est une forme qui est probablement une sorte de chaînon manquant à l'origine des hommes. Alors, le papier publié je dirais pas qu'il fait scandale, mais en disant, il suscite une opposition assez forte des gens qui sont les gens les plus en vue dans le milieu de l'anthropologie anglaise, en particulier le professeur avec lequel Dart travaillait à Londres avant de partir pour l'Afrique du Sud. Et donc, les sommités de la paléanthropologie anglaise écrivent une lettre à Nature pour émettre des doutes très vifs sur les interprétations de Dart. Alors, pourquoi est-ce qu'ils émettent ces doutes ? Eh bien, parce que si on se remet dans le contexte de l'époque, eh bien, il y a fossiles dont je ne vous ai pas parlé quand je vous ai fait la liste des fossiles qui existaient autour de la guerre de 14 ou juste après la guerre de 14, c'est ce fossile qui avait été découvert à Piltdown, dans le Sussex. Et cet homme de Piltdown, depuis, on s'est rendu compte que c'est une fraude, une falsification. C'est un fossile qui a été construit avec une mandibule qui est une mandibule de grand singe dont on avait limé les dents, et puis un crâne qui lui était un crâne d'homme moderne, hein, qui avait été associé. Alors tout ça, ça avait été peint avec une couleur un peu rouge, de l'oxyde de fer, on avait maquillé un peu tout ça. Le gisement de Pildan avait été truffé d'outils en pierre taillée, enfin, etc. Alors, c'est une falsification qui n'a été réellement démasquée qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, donc c'est beaucoup plus tard. Et il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, cette découverte de Pildan a eu un retentissement absolument extraordinaire. Il y a eu des centaines de publications pendant le XXe siècle sur l'homme de Pildan, sa comparaison avec d'autres hommes fossiles en Europe. Et pourquoi l'homme de Pildan a eu un tel succès ? Bien parce que, dans le fond, l'homme de Pildan remplissait, si je peux dire, une attente qui était l'attente de trouver un homme primitif, bien sûr. Alors, on avait envie qu'il soit primitif par quelque chose comme la denture, le système masticateur, mais avec un beau cerveau. Hein. Et donc, l'homme de Pildan, il avait deux qualités extraordinaires. D'abord, il était anglais, et ensuite, il avait un gros cerveau. Et donc, dans le fond, voilà, il cochait toutes les cases. Et donc, cet homme de Pildan a été connu, enfin, pendant très longtemps, comme le prédécesseur des Homo sapiens en Europe. Et je dois dire que même après la reconnaissance de cette falsification, eh bien, une fois l'homme de Pildan, si je peux dire, rangé dans les tiroirs, eh bien, cette idée de pré-sapiens européens a continué à faire florès en Europe. On a continué à en parler pendant très très longtemps, alors en s'appuyant sur d'autres fossiles, mais dans le fond, on aimait bien cette idée que l'origine d'Homo sapiens, c'était en Europe que ça se passait, et qu'il y avait quelque chose d'un peu mystérieux qui avait évolué à côté des hommes de Néandertal et qui avait donné non seulement les Européens actuels, mais tous les hommes actuels. Alors, voilà, notre Australopithecus africanus de Dart, il rentre en collision, si je peux dire, avec cet homme de Pildan. Et c'est une collision qui a été longtemps fatale, non pas à l'homme de Pildan, mais à l'Australopithèque de Dart. Alors voilà ici un tableau tout à fait intéressant où on voit, on voit au milieu un anthropologue anglais très très connu qui s'appelle Sir Arthur Keith, qui est une sommité de l'anthropologie anglaise de la première moitié du XXe siècle, et il est en train d'examiner ce crâne de Pildan, et alors il est entouré de toute une série de personnages qui sont très très connus, mais quand même, sachez que à l'arrière-plan se trouve le professeur de Dart, qui lui était resté en Angleterre. Hein. Et puis là, derrière, on a aussi quelqu'un qui s'appelle Dawson, qui est celui qui est certainement l'auteur de cette falsification. Et donc, tous ces gens-là sont doctement penchés, avec d'autres célébrités de l'époque, sur ce crâne de Pildan. Et donc, c'est une partie de ces gens-là qui ont écrit à Nature pour dire qu'ils ne croyaient pas du tout à l'Australopithecus africanus de Dart. Voilà une image qui est tirée d'un ouvrage de Sir Arthur Keith, ce paléanthropologue anglais. Donc on est en 1931. Et donc, il donne son idée sur l'évolution des hominines. Alors, au passage, quand même, je vous fais remarquer les dates que Keith attribue à différentes périodes géologiques. Hein. Vous voyez qu'on revient de loin, hein, parce qu'il pensait que le Pléistocène durait 200 000 ans, le Pléistocène à peu près 250 000 ans, donc aujourd'hui on parle de beaucoup de millions d'années pour toutes ces périodes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, dans cet arbre phylogénétique, il y a l'homme de Néandertal, l'homme de Rhodésie, etc. Il y a l'homme de Piltdown qui est là, qui n'est pas très loin de l'origine des hommes actuels. Et voilà où Kiss met notre Australopithèque. Donc vous voyez, il le place carrément à côté du chimpanzé et du gorille. Donc pour lui, c'est un singe, c'est un grand singe sud-africain, un petit peu bizarre, parce qu'effectivement, il a une denture différente de celle qu'on trouve chez les grands singes. Mais pour lui, il n'est absolument pas question d'en faire un hominine. Alors cette bagarre autour de la... des Australopithèques va durer quand même assez longtemps, hein. Disons jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui sont quand même toujours un petit peu hostiles aux idées de Dart. Alors quand même, Dart reçoit des soutiens, et en particulier, il reçoit des soutiens d'un professeur de zoologie qui s'appelle Robert Broom. Alors vous vous souvenez que Dart était australien, Broom, lui, il est écossais, et il a aussi atterri en Afrique du Sud. Donc il est professeur de zoologie à Stellenbosch, à l'université enfin, ce qui va devenir plus tard l'université de Stellenbosch. Et malheureusement pour lui, il a une formation médicale, mais il enseigne la zoologie. Malheureusement pour lui, il divulgue ses étudiants, ses idées sur l'évolution. Et il faut dire que l'Afrique du Sud du début du XXe siècle, ce n'est pas l'environnement le plus, j'allais dire, progressiste qu'on peut imaginer. Et donc, il est forcé à la démission à cause de la propagation de ses thèses évolutionnistes. On est au début du XXe siècle, hein, on est longtemps après Darwin, hein. Et donc, il est forcé à la démission. Et donc, il va quitter son poste de professeur. Et il va devenir un médecin. Il va ouvrir un cabinet de médecine. Et parallèlement à son activité de médecin, en amateur, si je peux dire, il fait de la paléontologie. Et en particulier, il travaille sur des fossiles qui n'ont rien à voir avec les hominines, qui sont des fossiles qui viennent d'une formation géologique qu'on appelle la formation de Karoo, en Afrique du Sud, qui est une formation incroyablement riche en reptiles mammaliens. Donc, ce sont des formes de la fin du Permien, essentiellement. Et Broom va produire énormément de publications, de descriptions, et il est encore connu aujourd'hui. Parallèlement à sa contribution à la paléanthropologie, il est connu pour l'étude de ces thérapsidés, donc ces formes de reptiles mammaliens d'Afrique du Sud. Alors, il vit pas quand même très très bien, Broom. Il est un petit peu tombé dans la pauvreté. Et Dart va intervenir pour qu'on trouve un poste à Broom. Et Broom va finalement avoir un poste, mais c'est un poste d'assistant à Pretoria, où il peut faire de la paléontologie professionnellement. Et donc, dans les années 30, Broom, c'est un homme qui est quand même qui est dans la soixantaine, hein, donc c'est plus un jeune homme. Et Broom va se passionner pour cette histoire des Australopithèques, des travaux de Dart, des découvertes d'hominines. Et donc il va se lancer dans l'étude de plusieurs gisements sud-africains. Alors je fais un peu un retour en arrière. Je vous rappelle que la découverte de Tong, c'était une découverte dans une carrière. Alors en fait, c'est quoi ces carrières ? Eh bien, ce sont d'anciens karsts. Vous savez ce que c'est qu'un karst ? C'est une poche de dissolution, hein, en général dans des calcaires. Alors là, ce sont des calcaires plus ou moins anciens. Ça peut être dans des dolomies. Et ces cartes sont remplies de concrétions, des stalactites, des stalagmites, des planchers stalagmitiques. Et ces planchers stalagmitiques, donc c'est du carbonate de calcium, c'est de la calcite cristallisée. Et en fait, ce sont ces dépôts de calcite qui sont exploités. Et pourquoi est-ce qu'ils sont exploités ? Eh bien, ils sont exploités essentiellement à cause de l'activité des mines d'or en Afrique du Sud. Pourquoi ? Eh bien, parce que un des procédés industriels pour extraire l'or du minerai, c'est assez épouvantable du point de vue écologique, hein, on utilise du cyanure, enfin bon, c'est affreux, mais pour arriver à sortir l'or de cette espèce de bouillie, de solution de cyanure, il faut arriver à contrôler le pH, l'acidité de ce mélange. Et pour contrôler l'acidité de ce mélange, on utilise cette calcite. Et donc, depuis la ruée vers l'or qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle en Afrique du Sud, et l'ouverture de mines d'or qui parfois sont des mines gigantesques, eh bien, il y a une activité énorme d'extraction de la calcite. Et un peu partout en Afrique du Sud, on a des fours à chaux comme cela pour transformer cette calcite en chaux. Et c'est cette chaux qu'on va ensuite utiliser dans le traitement industriel du minerai d'or. Il se trouve qu'en faisant ça, eh bien, systématiquement, les mineurs vont aller dans ces cavités qui sont des cavités où il y a des remplissages pléistocène ou pliocène avec des fossiles. Et donc, ils extraient de la calcite et ils détruisent ces sites. Et Broom lui-même, d'ailleurs, écrit un peu après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il écrivait que c'était vraiment avec beaucoup de douleur qu'il pensait à la quantité incroyable de fossiles d'hominines qui avaient dû être détruits par cette exploitation minière. Mais en même temps, comme souvent, c'est l'exploitation minière qui permet de découvrir des sites. Et en particulier, il y a une activité de ce type très intense dans une région qui est ici, alors que les Sud-Africains ont appelé « Cradle of Humankind », berceau de l'humanité, modestement. Alors, je vous dis tout de suite qu'il y en a d'autres, des berceaux de l'humanité. D'autres pays ont décidé qu'ils avaient aussi leur berceau de l'humanité. Mais en fait, ce berceau de l'humanité, c'est une série de sites qui sont des karsts avec des remplissages de brèches fossilifères, brèches très solides, donc du sédiment qui est fortement cimenté, et dans lequel on trouve des fossiles de mammifères et des fossiles d'hominines. Et on reviendra un petit peu sur cette formation de ces sites et l'association de ces vestiges. Et donc on a dans une région qui est, voyez ici, c'est Pretoria, ici c'est Johannesburg, et donc dans ce petit carré, on a tous ces sites qui sont des sites très très célèbres dont on va avoir à reparler cette année. Et donc c'est dans l'un de ces sites que Broom va se lancer. Dans la fin des années 30, il est très actif dans un site qui s'appelle Sterkfontein. Que vous voyez ici aujourd'hui. Alors, Sterkfontein, évidemment, on a vidé un petit peu ce karst, ces cavités, donc il y a des trous partout, mais il faut imaginer un paysage où ces remplissages karstiques sont solidifiés, donc on a le sédiment dur dans lequel la cavité s'est creusée, le remplissage qui s'est solidifié, et tout ça est plus ou moins aplani par l'érosion. Et donc, on trouve comme ça des sites dans lesquels parfois on a des parties qui sont plus meubles ou même parfois des espaces vides, et on peut descendre dans ces cavités. Alors, Broom, vous le voyez à l'époque, je vous disais, c'est plus un jeune homme, il en a vu un petit peu toutes les couleurs. Mais il va se lancer vraiment avec un grand enthousiasme dans cette recherche à Sterkfontein, et il va être aidé par un étudiant qui s'appelle Robinson, qui est un étudiant sud-africain qui se consacrait à la biologie, Je crois qu'il voulait faire une thèse de biologie marine, mais il a changé d'avis après avoir rencontré Broom. Et donc, Robinson va l'accompagner sur ce gisement de Sterkfontein et sur d'autres gisements qu'on va rapidement évoquer. Broom va disparaître pas très longtemps après la Seconde Guerre mondiale, mais Robinson, qui est plus jeune, lui, va continuer à travailler dans ces sites sud-africains. Plus tard, il sera professeur dans une université américaine. Il a laissé une œuvre scientifique considérable. Alors, à Sterkfontein, Broom trouve des fossiles qui, dans le fond, représentent la version adulte de ce petit crâne, d'espèce de jeune enfant, de tong. Et en particulier, en 1947, il va trouver un crâne très, très complet, qui est peut-être le plus beau crâne qu'on ait jamais trouvé de Australopithecus africanus. Alors à l'époque, il l'appelle, il lui donne un nom de genre, hein, Plesianthropus. Alors tout ça, ensuite, Robinson, j'allais dire après Broom, va revisiter un petit peu la taxonomie de tous ces groupes. Donc on a fait rentrer ça dans Australopithecus africanus, mais c'est une des grandes découvertes à Sterkfontein. Et vous verrez qu'on va beaucoup parler de Sterkfontein quand je parlerai des Australopithèques sud-africains, parce qu'on a trouvé une grande quantité de matériel dans ce site. Alors, Broom ne se contente pas de travailler à Sterkfontein. Il a travaillé dans d'autres sites en Afrique du Sud. Alors, il y a quand même deux sites qu'il faut absolument que je mentionne. Il y en a un qui s'appelle Cromdraai. Ce site donc est découvert dans des circonstances assez curieuses. C'est un enfant qui a découvert le site de Cromdraai. C'est un petit garçon qui s'appelait Gert Terre Blanche. Vous noterez la consonance Terre Blanche, ça s'écrit T-E-R-B-L-A-N-C-H-E, mais je pense que c'est à l'origine un nom français, Terre Blanche. Et donc ce petit écolier qui guide les touristes pour leur montrer les grottes de Sterkfontein, eh bien, un jour a donné une dent à un des chefs de la mine de Sterkfontein, qui lui-même l'a montré à Broom. Et Broom a tout de suite vu que cette dent était une dent qui ressemblait pas du tout aux dents des Australopithèques trouvées à Sterkfontein. C'est une dent beaucoup plus grosse, beaucoup plus robuste. Et donc Broom, vieux monsieur quand même très très très très enthousiaste, il va absolument vouloir rencontrer, trouver l'origine de cette dent. Donc il va finir par mettre la main sur le petit garçon là, Gert Terre Blanche, et il lui fait il lui fait vider ses poches, et le petit garçon a dans sa poche quatre dents, pas une, mais quatre, qui sont, pour Broom, il dit, sont les plus belles dents que j'ai jamais vues dans ma vie. Donc, plein d'enthousiasme, Broom et le petit garçon vont sur le lieu de découverte, et ce lieu de découverte n'est pas Sterkfontein, c'est un autre endroit où on a un petit peu gratté pour extraire de la calcite, qui s'appelle Cromdraai. Et là, le jour même, donc avec le petit garçon, l'après-midi de la visite à Cromdraai, eh bien, il trouve un crâne et il trouve une mandibule en plus des dents. C'est quand même pas mal. Et c'est quelque chose de complètement différent de ce qui a été découvert à Sterkfontein. Pour Broom, c'est un nouveau genre. Il va l'appeler Paranthropus robustus. C'est ce qu'on a appelé par la suite les Australopithèques robustes, hein, donc c'est une forme qui est différente, plus spécialisée d'Australopithèques. Et ce site de Cromdraai, c'est un site très important. Il est d'ailleurs toujours en cours d'étude par mon collègue José Braga et mon collègue Francis Tacré, sud-africain. José Braga est professeur à l'Université de Toulouse. Et donc, voilà des photos qui sont prises sur le site de Cromdraai, non pas du temps de Broom, mais beaucoup plus récemment. Et on continue à trouver à Cromdraai des restes d'hominines. Et puis, alors, dernier site qu'il faut que je vous mentionne à propos de Broom, c'est le site de Swartkrans, toujours en Afrique du Sud. Donc c'est un petit peu toujours la même histoire. Ce sont des sites dans lesquels les gens ont extrait de la brèche, de la calcite, etc. À Swartkrans, on va trouver à nouveau des restes de Paranthropus robustus. Alors, des pièces vraiment spectaculaires, hein, ce crâne de Paranthropus robustus SK48, c'est probablement le plus beau crâne de Paranthropus robustus qu'on ait en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant à propos de Swartkrans, c'est que c'est un site où on va, pour la première fois, on va trouver deux formes d'hominines associées dans le même site. Et en particulier, alors c'est une histoire qui dure parce qu'il y a toujours des discussions sur l'interprétation de ces fossiles, mais à Swartkrans, il y aurait, à côté de ces australopithèques dits robustes, ces paranthropes, il y aurait des représentants du genre Homo très anciens qui seraient aussi présents à la même époque. Et c'est très important parce que on a parlé déjà, naguère, il y a eu longtemps l'idée que, dans le fond, il ne pouvait pas y avoir plusieurs espèces d'hominines simultanément sur Terre, et encore moins simultanément dans la même région. Et c'est la fameuse single species hypothesis, l'idée que les hommes représentent une adaptation tellement particulière que on ne peut pas avoir deux hommes différents qui existent sur Terre en même temps. Depuis les années 70, c'est une idée qui a été, j'allais dire, progressivement totalement mise en pièce. Et aujourd'hui, on vit avec un concept complètement différent de l'évolution humaine, hein, avec des tas de branches qui existent en même temps dans des régions différentes et parfois même dans la même région. Mais en fait, historiquement, c'est voilà, dans les années, la fin des années 40, années 50, qu'on exploite ce site de Swartkrans où on va trouver pour la première fois cette juxtaposition de deux espèces. Alors, pendant que Broome continue ses travaux, bon, il va finir par laisser la mission à Robinson de continuer son œuvre, et puis il va rejoindre le paradis des paléoanthropologues. Dart continue. Hein, Dart continue à travailler en Afrique du Sud et en particulier il s'intéresse à un site alors qui lui n'est pas dans ce fameux berceau de l'humanité là près de Johannesburg et de Pretoria mais qui est beaucoup plus au nord, qui est un site qui s'appelle Macapans Gate. Macapans Gate, c'est une grande exploitation de calcite, et à Macapans Gate, on a à nouveau des australopithèques qui sont découverts. Alors, Dart croit y reconnaître des différences par rapport aux Australopithecus africanus, à son enfant de Tongue, et même aux formes de Sterkfontein. Et donc, il va créer une nouvelle espèce, l'Australopithecus prometheus, qui est un petit peu tombé en désuétude par la suite. On a fait tomber ça en synonymie avec Australopithecus africanus, mais elle a été récemment ressuscitée, si je peux dire, par un collègue qui travaille à Sterkfontein, qui s'appelle Ron Clark. On en parlera. Alors, à Macapans Gate, il y a deux choses qui excitent beaucoup l'imagination de Dart. Or, Dart, c'est un grand scientifique, c'est vraiment quelqu'un qui a été un découvreur, un précurseur, enfin, on peut lui attribuer toutes les qualités d'initiative scientifique, de clairvoyance, et puis aussi d'énergie, parce qu'il a fallu, lui, petit prof d'anatomie là-bas en Afrique du Sud, qu'il fasse avaler, si je peux dire, son australopithèque à des lords anglais comme Sir Arthur Keith, qui n'était pas du tout bien disposé. Mais en même temps, bon, c'est vrai qu'il avait aussi une imagination assez débordante, et dans tous ses écrits, il y a des trucs un petit peu bizarres. Alors, pourquoi il a appelé cet australopithèque Australopithecus prometheus ? Parce qu'à Macapans Gate, il y a des dépôts qui sont des dépôts noirâtres. Alors, on sait aujourd'hui que c'est du manganèse, hein, mais lui, il est convaincu que ce sont des traces de feu Et donc, c'est pour ça qu'il a cette idée d'appeler cet Australopithèque Prométhéeus, hein, en évoquant le mythe de Prométhée. Et comme si cela ne suffisait pas, dans ces centaines, ces milliers de restes osseux qui sortent de ces grottes, en particulier à Macapansgate, mais pas seulement, eh bien, Dart se met en tête que beaucoup de ces ossements ont été utilisés comme des outils ou comme des armes, j'allais dire naturelles, en prenant avantage de l'anatomie, de la forme de ces cornes. Et donc, il crée ce concept de culture ostéo, os, odonto, dents, kératique, corne. Donc, cette idée qu'il a existé avant la préhistoire de la pierre taillée que tout le monde connaît, eh bien, une autre préhistoire faite de cornes d'antilope, de mâchoires, de gnous, d'ulnas qui ont été utilisés comme des dagues. Bon. Alors, c'est quelque chose qui a été abandonné depuis. On va laisser un peu l'Afrique du Sud en repos, mais on va y revenir à la fin. Et je vais vous emmener maintenant en Afrique de l'Est pour compléter ce panorama historique. Alors, l'Afrique de l'Est, c'est l'autre grande région d'Afrique où on a trouvé beaucoup de sites d'hominines anciens et même très anciens. Alors, les conditions géologiques sont des conditions géologiques qui sont totalement différentes de ce qu'on a en Afrique du Sud. Donc, en Afrique du Sud, voilà, c'est des karsts, c'est des sites qui sont localisés. On a des fossiles qui peuvent être très bien conservés. Ce n'est pas toujours évident de les sortir de leur gangue très, très dur. Et il y a aussi beaucoup de problèmes, souvent, de datation. Pourquoi ? Bah parce que ces grottes, elles ont été remplies par des concrétions. Parfois, elles ont été ensuite vidées, re-remplies à d'autres époques, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile de reconnaître la succession des formations rocheuses à l'intérieur des grottes. Et puis surtout, on n'a pas vraiment des méthodes de datation assez faciles à utiliser. Alors l'Afrique de l'Est, c'est un monde complètement différent. La plupart des sites dont on va parler se trouvent le long de ce qu'on appelle la Rift Valley, hein, donc c'est le grand rift est-africain. C'est une dépression qui court depuis le milieu à peu près de la côte de l'est de l'Afrique en remontant dans la région des Grands Lacs avec deux branches, hein, une branche occupée par le lac Tanganyika et puis une branche qui est une branche plus orientale. Et puis voilà, ça remonte à travers le Kenya avec le lac Turkana ici et puis ça débouche sur la mer Rouge avec une grande dépression où se trouve le territoire, ce qu'on appelait autrefois le territoire des Afars et des Issa, qui est devenu une partie de l'Éthiopie, de Djibouti, de l'Érythrée, etc., de la Somalie. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette Rift Valley ? Eh bien, c'est un océan en formation. Hein. C'est une cassure de la croûte terrestre avec deux plaques qui se séparent l'une de l'autre. L'Atlantique a commencé comme ça. Donc on a une fracture dans laquelle remonte du magma, donc beaucoup de volcanisme, des failles qui se créent de chaque côté au fur et à mesure que ces deux plaques s'écartent, avec des compartiments qui glissent les uns par rapport aux autres en formant des espèces de marches d'escalier. Donc entre ces compartiments, eh bien, il y a de la lave qui remonte le long des failles et à l'extérieur, ça donne des volcans. Et dans cette dépression, eh bien, se déposent des sédiments fluviatiles et surtout des sédiments lacustres parce que, comme vous l'avez vu, eh bien, dans ces dépressions s'installent assez progressivement des lacs de plus en plus grands. Et la destinée de ce rift, c'est de devenir un océan. Hein, donc, un jour, pas tout de suite, mais un jour, la mer Rouge rentrera dans la dépression des Afars, la dépression de l'Afar, et puis on envahira progressivement toute cette région. Donc, on a des conditions qui sont extrêmement favorables à la formation de sites paléontologiques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une accumulation assez rapide de sédiments lacustres, de sédiments fluviatiles et de sédiments volcaniques. Et tout ça, ma foi, c'est quelque chose qui est assez favorable à la conservation des ossements. De plus, les sédiments volcaniques se prêtent très bien à la datation. On a des méthodes physico-chimiques. Donc on a des stratigraphies qui sont assez bien comprises avec des bonnes dates. Et puis, pour couronner le tout, eh bien, ce sont des régions qui sont des régions quand même assez désolées du point de vue de la végétation. Et donc, je ne dis pas qu'il suffit de se promener pour trouver des fossiles, mais enfin, on n'a pas besoin de se préoccuper de la végétation pour localiser des zones où il y a des fossiles. Alors cette région, elle a commencé à attirer l'attention des paléontologues à peu près à la même époque que l'époque pendant laquelle Broom menait ses recherches en Afrique du Sud. Et en particulier, il y a un personnage dont on va beaucoup parler, qui s'appelle Richard Leakey. Le voilà ici en photo, jeune. Donc Richard Leakey, c'est le fils d'une famille de pasteurs. Il est né au Kenya, mais comme tout bon petit garçon anglais, il a été envoyé en Angleterre faire ses études en pensionnat et il a fini par atterrir à l'université de Cambridge. Et donc lui, il est passionné par ces histoires d'évolution humaine, de fossiles humains. Et je vous rappelle que à l'époque, on est en plein, règne de l'homme de Piltdown. Hein, donc cette idée qu'on a un homme, dans le fond, vous savez, dans cette histoire de pré-sapiens, il y a cette notion, dans le fond, assez essentialiste de définition de l'homme. C'est-à-dire il y a l'homme et puis il y a le reste, et on aimerait bien trouver une limite nette entre les hommes. Et puis, dans le fond, c'est, enfin, de mon point de vue, c'est quand même quelque chose qui se frotte de façon assez rugueuse à la notion d'évolution. Parce que dans le fond, il y a toujours eu cette espèce de conflit entre une notion essentialiste de l'homme héritée de la tradition judéo-chrétienne et même gréco-latine, avec la notion d'évolution. Enfin, c'est une autre histoire sur laquelle on pourra revenir un jour. Mais dans le fond, l'idée de Leakey, c'est quoi ? C'est que lui, il a lu Darwin, il est convaincu que c'est effectivement en Afrique que ça se passe. Et donc, dans le fond, ce dont il rêve, c'est de trouver en Afrique un Piltdown, hein, quelque chose qui soit même encore plus ancien que Piltdown. Et donc, il va, à partir des années 30, il va retourner régulièrement. Bon, il va voir sa famille en Afrique, au Kenya. Et donc, vous savez, en science, enfin surtout en paléanthropologie, on trouve ce qu'on cherche. Donc lui, il cherche, il veut trouver son homme de Piltdown et il va le trouver. Donc il trouve des restes dans un endroit qui s'appelle Canam et il trouve cette mandibule, des restes crâniens. Et dans le fond, il revient en Angleterre persuadé qu'il va absolument casser la baraque avec cette découverte parce que c'est quelque chose qui est très humain et qui est très ancien. Alors ça va assez mal tourner pour lui, cette histoire de Canam. Pourquoi ? Ben parce que ça intéresse tout le monde, mais on va quand même envoyer un géologue sur place pour essayer de bien comprendre l'âge de tout ça. Le géologue n'est pas très convaincu. D'ailleurs, Leakey lui-même a du mal à retrouver l'endroit où il a déterré sa mandibule. On ne sait plus très bien d'où elle vient. Finalement, cette histoire tourne à son discrédit. Dans le fond, il est un petit peu, il se fait un petit peu mal voir, si je peux dire, par la communauté scientifique à cause de cette histoire de Canam. Puis alors, bon, il a d'autres histoires. À Cambridge, il s'est marié avec une... il fait de l'archéologie, de la paléontologie en Afrique, donc il s'est marié avec une dame qui illustre, qui est une archéologue et qui fait l'illustration de ses bouquins. Et puis, elle a un enfant, puis elle est enceinte une deuxième fois. Et pendant qu'elle est enceinte, donc elle ne peut plus faire les dessins, donc il fait faire les dessins par une autre. il va finir par partir avec l'autre. Et donc, bon, Cambridge ne veut plus trop entendre parler de Louis Leakey. Et la suite de sa carrière va se poursuivre en Afrique du Sud. Mais, en Afrique de l'Est, au Kenya en particulier. Alors, après cet épisode de Canaan, il va revenir, et j'allais dire, avec beaucoup plus de succès dans ses tentatives ultérieures. Alors, il y a aussi, à la même époque, il faut quand même que je mentionne ça, en fait, la première découverte d'un australopithèque en Afrique de l'Est. Et cette première découverte, elle est faite dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait pas la Tanzanie. Je vous rappelle que les Allemands avaient une colonie est-africaine à l'époque. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Ludwig Kohl Larsen, qui est professeur à l'université de Tübingen. Alors, Kohl Larsen, c'est un personnage assez intéressant. En fait, c'est un explorateur. C'est plutôt un ethnologue qu'un archéologue ou un paléanthropologue. Il fait ça un petit peu par accident. Son grand truc, Kohl Larsen, c'est les expéditions arctiques. Il est allé dans des tas d'endroits où il fait très froid. Vous savez, il fait des voyages en ballon dirigeable. Enfin, c'est un explorateur. Et donc, il y a à un moment donné une expédition en Afrique orientale où il part avec sa femme, qui est montrée là, sur cette photo. Et ils vont découvrir des sites importants. En particulier, ils vont découvrir un site qui s'appelle Mumba Shelter, l'abri de Mumba, qui nous concerne pas aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout des australopithèques, ce sont des choses beaucoup plus récentes, mais qui est un des sites très importants d'Afrique de l'Est pour le Middle Stone Age. Et d'ailleurs, il y a toujours à l'université de Tübingen des collections qui viennent de là. Et puis alors, en Tanzanie, avec sa femme, ils vont mettre la main sur ce bout d'os qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un morceau de maxillaire sur lequel il y a deux prémolaires. Et on sait aujourd'hui que ces deux prémolaires et ce maxillaire, c'est un australopithèque. Ça vient en fait du site de l'Aïtoli. Enfin, à l'époque, il appelle ça Garouzi, parce que c'est la vallée de la rivière Garouzi. Et il va ramener ça en Allemagne. Alors ça va être étudié par un anthropologue allemand qui s'appelle Weiner, qui ne va pas vraiment comprendre ce que c'est. Parce qu'à l'époque, on n'a pas vraiment de choses comme ça en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, oui. Il va appeler ça Meganthropus. C'est quelque chose qui va rester un petit peu dans les tiroirs sans qu'on sache très très bien l'interpréter. C'est seulement beaucoup plus tard qu'on saura reconnaître que c'était en fait le premier australopithèque. Alors, bon, Ludwig Kohl Larsen, au milieu de toutes ses passions, il en a une qui lui a quand même coûté assez cher, c'est qu'il était membre du parti nazi et assez en faveur, si je peux dire, de la politique du Troisième Reich. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a perdu son poste de prof à l'université de Tübingen. Il est rentré par une porte de derrière pour en trouver un poste dans un institut de recherche. Mais enfin, en gros, on n'a plus trop parlé de Ludwig Kohl Larsen après la Seconde Guerre mondiale. Donc, je reprends l'histoire de Leakey. Donc, le voilà avec la deuxième dessinatrice qu'il a épousée. Il a divorcé, il l'a épousée. Bon, il était avec elle avant de divorcer, c'est ça qui a un peu créé le scandale à Cambridge. Et donc, ces deux personnages, Louis et Marie Leakey, vont vraiment, pendant un demi-siècle, vraiment jouer un rôle essentiel dans l'étude des sites est-africains. Ils vont avoir une grande influence, même au-delà du Kenya. Ils vont travailler en Tanzanie, ils vont initier beaucoup de projets, et puis ils vont même créer une dynastie, parce que vous allez voir que leur fils va continuer, l'épouse du fils, la petite-fille, enfin bon, c'est la famille Leakey, c'est vraiment quelque chose. Le site qui vraiment va les rendre célèbres de façon, je dirais, planétaire, c'est le site d'Olduvai, qui se trouve en Tanzanie. Donc, c'est une gorge qui regorge de fossiles. Ça a été découvert il y a longtemps par un Allemand qui chassait des papillons et qui était poursuivi par un rhinocéros, si je me souviens bien. Mais donc, on a trouvé des fossiles à Olduvai. Et donc, ce site, on le surveille depuis un moment. Il y a de nombreuses petites vallées, canyons qui reviennent vers cette gorge principale d'Olduvai. Et donc, les Liquets vont en particulier travailler dans un site qui s'appelle FLK. Alors, pour la petite histoire, FLK, ça veut dire Frida Liki Karongo. Frida, c'était le nom de la première dessinatrice. Donc, c'est un site absolument extraordinaire. Voilà une photo dans les années 60. Vous voyez, c'est une vraie carrière. Il y a des niveaux archéologiques qui livrent une quantité d'ossements brisés et d'outillages de pierre. Et donc, on est dans des niveaux très anciens. Et Liki a toujours cette idée, parce que notre homme de Piltdown, là, ça ne lui suffisait pas d'avoir un grand cerveau et d'être anglais. Il fallait aussi qu'il ait fabriqué des choses extraordinaires. Donc, Liki a quand même cette idée qu'il va trouver un homme véritable très ancien qui est vraiment un homme qui fabrique des industries dans des niveaux très, très reculés dans le temps. Et on va le trouver. Alors, en 1959, donc là, on se rapproche quand même du présent, eh bien, les Liki mettent au jour ce crâne, qui est un crâne magnifique, qu'ils appellent, alors ça a été baptisé Zinjanthropus, on lui a donné un nouveau nom de genre. Il faut dire que ce Zinjanthropus, il ressemble quand même pas mal au Paranthropus de Broome en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, on a fait tomber en synonymie Zinjanthropus et Paranthropus. Donc on considère que c'est un de ces, entre guillemets, australopithèques robustes. C'est une découverte extraordinaire. C'est la première fois qu'on utilise des techniques de datation vraiment précises, méthode de potassium-argon, qui, donc, à cette époque-là, dans les années 60, produit un âge de 1 750 000. On est très, très loin des quelques centaines de milliers d'années de l'arbre de Kiss, que je vous montrais tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est que, dans le fond, l'âge de ces niveaux n'a pas, ce bed 1 d'Olduvai, n'a pas changé énormément depuis l'époque où on l'a daté au potassium-argon. On a affiné la date, mais ça n'a pas changé radicalement. Alors, Liké prépare sa publication sur son homme. Alors, évidemment, il ne ressemble pas beaucoup à Piltdown, et il ne ressemble pas beaucoup à un homme, parce qu'il a quand même un petit cerveau, et il a, vous voyez, cette crête très développée sur le sommet du crâne. On verra les détails de son anatomie plus tard. Il a un système masticateur énorme. Ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine, mais... Alors qu'on vient de découvrir ce Zinjanthrope, eh bien, l'année suivante, pas attendu longtemps, un autre fossile est découvert dans ce site FLK. Alors, pas exactement au même endroit, un petit peu à l'écart. Il y a un des fils de Liké qui est là pendant les vacances scolaires, donc on lui dit « va là-bas gratter ». Tu touches pas au beau site que papa et maman sont en train d'étudier, et le garçon va dans un coin et la chance des débutants, il trouve des restes très fragmentaires. Ces restes très fragmentaires, donc qui sont à peu près du même âge que les sites du Zinjanthrope, ont une anatomie complètement différente. Et eux ressemblent beaucoup à ce qu'on attend chez un représentant du genre Homo. Donc ça va être la découverte d'Homo habilis, Alors, je vous ai promis que je ne vous parlerai pas du genre homo, mais là, je ne peux pas faire autrement parce que il y a cette rencontre, si je peux dire, entre Zinjanthrope et Homo habilis. Soit dit en passant, là encore, on a cette coexistence dans des périodes de temps proches de formes qui sont quand même des formes très, très différentes. Alors, les travaux d'Elicki à Olduvai et puis les découvertes qui ont eu lieu avant vont déclencher... à partir de 1962-63, une véritable ruée vers l'os dans cette région de la rive vallée est-africaine, avec tout un tas d'expéditions qui sont organisées. Alors, les Liquais eux-mêmes en organisent, en particulier, ils envoient leur fils Richard Liquy dans la région du lac Natron, où ils découvrent cette mandibule tout à fait magnifique. C'est un exemple parmi d'autres. Je pourrais vous citer une dizaine de sites ou de régions dans lesquelles on organise des expéditions, beaucoup autour du lac Turkana, à l'ouest du lac Turkana d'abord, et puis dans d'autres régions du Kenya. Évidemment, les travaux continuent à Olduvai. On n'a pas le temps de détailler tout ça. Je voudrais quand même vous citer deux ou trois grands projets qui ont eu un impact considérable. Alors d'abord, il y a une expédition internationale qui est organisée en Éthiopie. Alors en Éthiopie, il y a un fleuve qui s'appelle l'Omo, qui descend vers le sud de l'Éthiopie et qui va se jeter dans le lac Turkana, qu'on appelait le lac Rodolphe autrefois, au Kenya. Et le long de ce fleuve, il y a des dépôts fossilifères qui sont extrêmement riches. Les Français ont déjà envoyé des expéditions au début du XXe siècle. Alors, on n'a pas trouvé d'hommes fossiles, hein, mais on a fait de la paléontologie, on a ramené beaucoup de mammifères, on les a publiés. Ont été impliqués dans ces projets, en particulier un paléontologue français qui s'appelle Camille Arambourg. Alors Camille Arambourg, c'est un personnage très très très important de la paléanthropologie française. Hein. Il a travaillé pas seulement sur les hommes fossiles, mais aussi c'est lui qui a été le découvreur de ces formes pléistocènes inférieures moyens en Algérie, dans le gisement de Ternifine. Sa famille est d'Algérie. Hein. Il a un père qui a des vignobles là-bas. Au départ, il est ingénieur agronome, mais assez vite, il va s'intéresser beaucoup plus à la paléontologie. C'est quelqu'un qui est né dans le 19e siècle, hein, donc il est assez âgé quand ces affaires de l'homo commencent. Donc il y a un projet international qui est monté. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a aussi un professeur de l'Université de Chicago qui s'appelle Francis Clark Howell, qui est un personnage extraordinaire que j'ai eu la chance d'avoir comme collègue et comme ami même. Et Clark Howell veut aller là-bas, en Éthiopie, voir ces sites. Donc, il a contacté déjà les Liki, il y a des échanges avec le pouvoir politique éthiopien. Les Français ne veulent pas lâcher le truc. Hein. Donc, on se met d'accord, on dit, voilà, on va faire un truc tous ensemble. Howell, Arambourg. Et puis, Arambourg, qui est quand même très âgé, va prendre un assistant, si je peux dire, et ça va être un jeune professeur du Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle Yves Coppens. Vous voyez là beaucoup plus mince que vous avez dû le voir la dernière fois que vous l'avez rencontré. Et donc, Yves Coppens est une étoile montante de la paléanthropologie française. Il a travaillé au Tchad, il a trouvé déjà... Il allait chercher des éléphants, mais il est revenu avec un bout de face d'un hominine. Et donc, tout ce monde-là part pour l'Éthiopie. Avec aussi... Donc, il y a des Kenyans, hein, il y a le fils Liquet qui est dans l'affaire, il y a Clark Howell, il y a Arambourg-Coppens. Alors, Arambourg va décéder, il a 80 ans en plus, hein. C'est même extraordinaire que ce gars-là il soit prêt à partir là-bas dans des endroits qui ne sont quand même pas très faciles. Donc il va décéder assez vite au tout début. Et puis l'affaire va continuer entre Clark Howell, Coppens. Les Kényans vont se retirer assez vite de l'histoire. Il y a des découvertes qui sont très importantes à l'Homo, en particulier une forme dont on aura à reparler, qui est probablement une forme ancestrale de ces australopithèques dits robustes, hein, ces paranthropes, en particulier Boisei. Il y a beaucoup de restes fragmentaires à l'Homo, hein, beaucoup de dents, une grande série de dents, mais il y a aussi une série stratigraphique très, très intéressante à étudier. Alors, il y a un autre projet, toujours dans les années, là, on est dans les années 70, c'est un projet qui se développe au Kenya, autour de la rive est du lac Turkana. Et c'est le fils Niké avec son épouse, assisté d'un collègue anglais que vous avez peut-être vu ici au Collège de France, que j'avais invité il y a quelques années maintenant, qui s'appelle Bernard Wood, bon, qui n'est pas vraiment un homme de terrain, mais qui lui est vraiment un spécialiste de l'analyse des fossiles. Et ils vont trouver, à nouveau, on va trouver à l'Est Turkana, alors d'abord des fossiles extraordinairement bien conservés, c'est beaucoup mieux que l'Homo, hein. On a des crânes complets, des trucs absolument épatants. Et à nouveau, on a des représentants du genre Homo associés pratiquement dans les mêmes niveaux avec ces fameux paranthropes tardifs. Autre grande expédition de ces années, je vous ai dit, c'est les années 60-70, c'est la ruée vers l'os. Hein. Donc on a en Éthiopie une région qui est l'extrémité de la rive vallée, qui va devenir le centre de nombreux travaux, de nombreuses découvertes. Alors il y a un personnage dont on ne parle pas souvent, mais que faut absolument citer, qui est un géologue, qui s'appelle Maurice Taïeb, qui est né en Tunisie, qui a travaillé beaucoup en Afrique de l'Est. Et c'est Maurice Taïeb qui, en faisant de la géologie, là, avec des véhicules tout-terrain ou à dos d'âne en fonction des circonstances, a découvert donc, des sites paléontologiques très importants, déjà dans la fin des années 60. Et c'est lui qui va attirer sur place notre Coppens et puis des Américains. Ici, c'est Donald Johanson. Et il va y avoir un nouveau projet qui va démarrer dans cette région de la Fare avec la découverte d'un site important, qui est le site de Hadar. Et c'est dans ce site de Hadar qu'on va trouver la fameuse Lucie, dont on aura à reparler. Alors, la publication de Lucie et d'autres de restes d'Australopithèque va faire rentrer un autre personnage en jeu dans cette région-là. C'est le professeur Tim White, qui est professeur à l'Université de Berkeley, avec qui j'ai eu aussi la chance d'enseigner il y a quelques années là-bas. Et Tim White, c'est quelqu'un qui, au départ, travaille sur le matériel de l'Aetoli. Marie Liquet a repris, vous souvenez, le site que les Allemands avaient trouvé avec leurs deux dents, là. Donc Marie Liquet a repris le travail à l'Aetoli et elle trouve beaucoup de matériel. Et donc il y a ce jeune chercheur américain qui travaille avec elle et qui rencontre les Liquet, le fils Liquet, le père Liquet, il impressionne tout le monde. Et donc il finit par être associé à la description du matériel de Hadar. Pourquoi ? Eh bien parce que les fossiles qui sont trouvés à l'Aetoli et ceux qui sont trouvés à Hadar se ressemblent beaucoup. Et c'est comme ça qu'en rassemblant le matériel de ces deux gisements, qui sont quand même très, très distants l'un de l'autre, eh bien on va créer cet Australopithecus afarensis en 1978. Alors, à la suite de ça, il y a eu une floraison de projets dans la dépression de la Fare, qui est vraiment devenue le nombril du monde paléanthropologique en Afrique, hein, avec des expéditions par divers groupes, beaucoup d'Américains, mais pas seulement. Alors, des gens, d'ailleurs, il y aurait toute une histoire à raconter de leur rapports, hein, qui ont été parfois assez, assez difficiles, pour ne pas dire brutaux. Il y a le moins qu'on puisse dire de la concurrence. Je veux quand même vous citer mon ami Bill Kimball, qui était associé au départ avec Johansson, avec White, dans l'étude d'Adar. Alors après, ça a un petit peu mal tourné. Donc Bill Kimball travaille toujours à Adar. Tim White a repris d'autres gisements en Éthiopie, en particulier les gisements de Middle Awash. Mais vous voyez tous ces points sur la carte. Dans cette région-là, ce sont des groupes différents qui travaillent sur ces sites fossilifères. Un autre collègue et ami, Zerezena Yelemseged, qui lui travaille en particulier à Dikika, où il a trouvé ce bébé d'Australopithecus afarensis. Il est maintenant à l'université de Chicago. Je pourrais continuer encore longtemps comme ça, en détaillant tous ces points-là. Alors, pour finir, je voudrais maintenant très vite faire un petit coup de projecteur sur ce qu'il y avait avant les Australopithèques. Alors, on a eu quand même des travaux qui ont été menés en dehors du rift africain, et notamment des travaux menés par Michel Brunet en Afrique orientale et du Nord, en Afrique saharienne. Donc Brunet est quelqu'un qui, depuis très longtemps, bon, c'était un paléontologue à Poitiers qui faisait de la paléontologie des vertébrés, mais qui s'est intéressé de plus en plus à la paléanthropologie. Et Brunet a fait preuve d'une persévérance extraordinaire. Hein. Il a mené des expéditions qu'il a su faire financer, en particulier au Cameroun, mais pas seulement, qui n'ont pas donné grand-chose, mais bon, il ne s'est pas découragé. Et finalement, ses efforts, au fil des années, ont abouti à la découverte au Tchad d'un Australopithèque, qui a été appelé Australopithecus Barrel-Ghazali, qui est différent de ce qu'on trouve en Afrique orientale, mais surtout qui est un Australopithèque qui est un petit peu plus ancien que Lucie. Hein. On est vers 3 millions, autour de 3 millions 5, quelque part par là. Mais surtout, ce qui est très important avec cette découverte d'Australopithecus Barrel-Ghazali, c'est que pour la première fois, on a trouvé un Australopithèque qui était ni sud-africain ni est-africain, mais qui était franchement à l'ouest du rift. Et ça a eu beaucoup de conséquences sur la façon dont on imagine l'apparition et l'évolution des hominines. Et puis surtout, ça a mis le doigt sur un problème qui est le suivant, c'est-à-dire cette surreprésentation de ces sites dans le rift africain. Dans le fond, est-ce que ça n'est pas purement le résultat, d'une part, d'un biais dans la conservation des sites, avec des conditions géologiques qui sont exceptionnelles, sur laquelle s'ajoute une concentration de moyens, de gens, d'expéditions tout à fait extraordinaire, et donc qui produit beaucoup de matériel. Dans le fond, la question, c'est, vous voyez, cette carte où on a essayé de montrer qu'il y avait des Australopithèques, pas seulement en Afrique du Sud et de l'Est, la question qui se pose vraiment, c'est cette tâche, jusqu'où en Afrique il faut l'étendre. Peut-être qu'il y a eu des Australopithèques dans bien d'autres régions d'Afrique, mais malheureusement, on ne les a pas trouvés jusqu'à présent. Alors, Brunet, il est surtout connu pour sa découverte de Toumaï. Je pense que certains d'entre vous ont pu suivre ses cours il y a quelques années. Et donc, avec Toumaï, on a là quelque chose qui est bien plus ancien que les Australopithèques dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Hein. Là, on saute à 7 millions d'années ou quelque chose comme ça. Donc, on est très près de la divergence homme-chimpanzé. Et vous vous souvenez, je vous ai montré au début de mon exposé un arbre en vous disant on va se concentrer sur cette partie de l'arbre africain. À la base de cet arbre, on n'a pas beaucoup de choses, finalement. Donc, on a beaucoup de sites avec des australopithèques, on a toute une variété de formes qu'on peut étudier. Mais dans le fond, les tout premiers hominines, on en connaît très peu. Alors, il y a ce Toumaï en Afrique, au Tchad. On a au Kenya un autre candidat très ancien qui est Aurorine. Alors, Aurorine, alors vous voyez, tout ça, ces découvertes-là, la découverte d'Aurorine précède d'un an, la publication d'Aurorine précède de très peu la publication de Toumaï. Sont des collègues du Muséum d'Histoire Naturelle, Martin Pickford et Brigitte Senu, qui ont mis au jour ces restes. On aura à en reparler, avec notamment des restes postcrâniens qui montrent qu'on a donc possiblement autour de 6 millions d'années une espèce qui est bipède de façon très très claire. Vous verrez qu'il y a tout un débat sur les caractéristiques qui définissent ces premiers hominines. Et puis, pour finir, dans la même région, la découverte, alors qui est due à Tim White, Genshua et Berani Asfo, en Éthiopie, d'Ardipithecus, là encore, un candidat très ancien à l'origine des hominines. Alors, il y a deux Ardipithecus, hein, il y en a un, Ardipithecus ramidus, celui qu'on connaît par le plus grand nombre de restes, qui est daté autour de 4,5 millions d'années. Mais il y a une forme plus ancienne, qu'on appelait Ardipithecus kadaba, qui a été découverte aussi dans cette région d'Éthiopie, qui aurait 5,6 millions d'années, mais qui est beaucoup plus fragmentaire. Alors, on a publié un squelette assez complet de cet Ardipithecus, hein, qu'on a appelé Ardi, d'ailleurs. Vous voyez, on a fait une reconstitution. Tous ces fossiles ont des petits surnoms qui font leur succès parfois. Donc Ardi, c'est une femelle, jeune femelle, dont on a un squelette presque complet. Donc voilà pour l'Afrique de l'Est. Alors, une dernière diapositive avant de vous laisser, pour vous dire que les choses ne se sont pas arrêtées en Afrique du Sud quand tout le monde est parti faire de la paléanthropologie en Afrique de l'Est. Je vous ai dit qu'on continuait à envoyer des gens en Afrique du Sud régulièrement. Un collègue américain, Lee Berger, qui a lui aussi fini par atterrir en Afrique du Sud. Et Lee Berger, quelqu'un de grande énergie, s'est lancé à la recherche de nouveaux sites dans ce fameux berceau de l'humanité. Et donc, il a trouvé d'autres sites qui sont des sites toujours du même type, hein, des carses, des cavités dans lesquelles des hominines ont été piégés ou ils ont été amenés par des carnivores. Et je vous montre quand même cette découverte d'Australopithèque, qui est la dernière grande découverte d'Australopithèque en Afrique du Sud, une nouvelle espèce qu'on appelait Australopithecus sediba, qui a été publiée en 2010, et on parle de trois individus représentés par une partie du squelette dans un karst. Voilà, je pensais qu'il était important de faire ce tour de piste historique, si je peux dire, pour que vous ayez conscience encore une fois, de deux choses. D'abord, dans le fond, du décalage historique qu'il y a entre les recherches en Afrique et les recherches, disons, en Europe ou même en Asie. Hein. On a démarré plus tard en Afrique, mais quand on a commencé à trouver ces choses très anciennes, et vous avez compris que les choses très anciennes, elles n'existent qu'en Afrique, là, il y a eu vraiment un emballement, si je peux dire, extraordinaire, avec un tourbillon fait à la fois de succès scientifique, mais aussi de bouillonnement médiatique, hein, on va dire ça comme ça, hein, et d'ailleurs qui explique aussi la trajectoire de certains des gens dont je vous ai montré la photo, hein, Et puis aussi, cet aspect que je pense qu'il est important de garder en tête, c'est qu'on a quand même, malgré la richesse de ces sites et le matériel extraordinaire qu'ils peuvent livrer, eh bien, on a quand même une vision qui est peut-être une vision assez biaisée de l'évolution africaine des hominines anciens. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a une surreprésentation de certaines régions et puis beaucoup de zones blanches sur la carte de l'Afrique. Merci, à la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.